Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Tuko nemisalimia mujina la Yesu Kristu. Nous inclinons nos têtes. Tunamisha vichwa. Dieu Tout-Puissant. Mungu Mwenyezi. Créateur des cieux et de la terre. Mbaji wa mbingu na dunia. Nous te disons merci. Tuko nakupitia asante. De nous avoir accordé cette journée. Kwa kutupatia siku ya leo. Et c'est toi qui as permis que nous puissions nous rassembler. Niwe njori rusu tupate kusanika. Nous ne nous rassemblons pas au nom d'un parti politique. Atukusanyike mujina siasa fulani. Ni au nom d'une certaine tribu. Wala jua kikabila kimo fulani. Mais nous nous rassemblons. Lakini tunakusanika. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristu. Nous t'en supplions, Seigneur. Tunakusi Bwana. Comme c'est en ce nom glorieux, Savile ni mujina ya utukufu, honore notre foi, pate kuheshimisha imani yetu, ne manque pas au rendez-vous ce soir, usikose kui mkusaniko, viens toi-même, Seigneur, kuya wepeke yako, à cause du grand nom de Jésus, juu ya ile jina mkuu ya Yesu Kristu, viens à notre rencontre, ukuye utane nashie, viens nous parler, kuya utusemeze, Seigneur, Bwana. Que ça ne soit pas un homme, Seigneur. Ishikwe muntu, Bwana. Que ça ne soit pas des pensées ou des sentiments d'un homme. Mawazo wala mania ya mutu. Mais que ça soit ta parole. Lakini ikuwe neno lako. Et accepte, Seigneur. Na upate kuchika, Bwana. Que tout ce qui se fera en ce lieu. Yote itafanyika paifashi. Soit marqué par ton esprit. Ikuwe yenye kutiwa muri na roho yako. Nous abandonnons à toi. Tunajiachilia kwako. Pour la gloire de ton Saint nom, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever. Niku, nimeomba mpate kushimama. Nous reprenons le texte que nous avons lu hier. Tabeba paka andiko ile tukisoma jana. Genèse chapitre 24. Mwanzo sura makumi mbiri na ine. Verset 1. Mustari yake ya kwanza. Abraham était vieux, avancé en âge. Ibrahimu alikuwa nishazeka. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Na wamilele arumbariki Ibrahimu mu bitu byote. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison. Ibrahimu akambia mtumishi wake ulakuanisha kawia mu nyumba yake. Et l'intendant de tous ses biens. Na mwangalizi wa bitu yake byote. Mais je te prie ta main sous ma cuisse. Weka mina kusi mkono yako pa mkulu yangu. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Na mita kufa ulape kupitia Mungu wa kumbingu na wa milele. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Ushiowe mtoto yangu binti wa Bakananea katikati yabo mlenikunikala. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Lakini wende mwichi yangu mtaifa yangu na unibebe mwanamke jua mtoto yangu Isaac. Verset 57. Musa yake ya makumi tano na saba. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Sasa bakajibu tuiteni binti na tumulize. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, bakamwita basi Rebecca na bakamwambia, veux-tu aller avec cet homme? Eti unapenda kwenda na umutu? Elle répondit, akajibu ndio mitaenda. Que le Seigneur bénisse la lecture de Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. C'est depuis hier. Nitangia jana. Que nous nous sommes mis à exploiter ce sujet intitulé un temps de décision. Tulianza kufunda hii shina wanaita sema kubeba wakati ya kubeba mipango. Toute question du mariage d'Isaac et de Rebecca. Ulizo yote yule ndoa ya Isaac na Rebecca. Nous disions ceci. Tulianza kusema hivi. Isaac était un enfant spécial. Isaac alikuwa mwana wa kipekee. Comme le témoignent les écritures. Paka vile maandiko inashuhudia. Que ce soit Genèse 25, kuwe mwanzo 25, Genèse 22, kuwe mwanzo 22, et tant d'autres écritures. Na maandiko mengine. Abraham était conscient de ce que représentait Isaac dans Ibrahim, sa vie. Ibrahim alikuwa na dhamiri yote ya kile Isaac alikuwa maisha yake. Prenez Romains chapitre 9, je vais vous faire voir une petite écriture. Mbebe wa Roma 9 mtemionesha andiko moya. Romains chapitre 9. Wa Roma sura 9. Romains 9, versets 6 et 7. Waroma 9, musaraki ya 6 na 7. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Aina ya kusema neno la Mungu inabakia bila matokeo. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Kwani bale bote bekuna shuka ku Israeli abana ba Israeli. Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, atavile benye kuya kizao ya Ibrahimu, ils ne sont pas tous ses enfants. Bote aina watoto wake. Mais il est dit, lakini imesemewa, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Ndani ya Isaac njo utapata uzao yenye kuitwa kujina yako. Une postérité propre à Abraham. Uzao inyekuya ya Ibrahimu. Devait venir par Isaac. Ilipasha kutokea kupitia Isaac. C'est-à-dire, verset 8. Que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Aina paka batoto wa mwili njo benyekuya batoto wa Mungu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ni batoto ya malako njo bekononekana sa batoto ya uzao. Abraham savait. Ibrahim alijua ce que Dieu lui avait déclaré. Kile Mungu anamwambiaka que ya kusema par Isaac, ni kupitia Isaac que le Messie viendra. Njo Messia atakuya. Et Isaac lui-même. Na Isaac ye mwenyewe. Jour pour jour. Shiku kwa shiku. Abraham lui en parlait. Ibrahim aranza kumwambia que toi tu es un enfant spécial. Wo kumwana wa kipekee. Tu es venu au monde de manière spéciale. Urukuya mudunia mnamna ya kipekee. Et toi ton sang doit être gardé pur. Na damu yako inapasha kuchungiwa safi. Pourquoi? Njua nini? Parce que le Messie, le Messia, le Sauveur, Mkombozi, doit venir par toi. Alipasha atakuya kupitia wewe. Tu es celui qui est destiné. Uko ule unatayarishiwa. À ce que Dieu vienne bénir toute l'humanité. Juu Mungu akuye abariki ulimwengu mzima. La Bible dit. Biblia anasema. La foi vient de ce que l'on entend. Imani iko natokea ngu Biblia anayozashikia. Na bile tunashikia ni kutokea kuneno la Mungu. Toutes ces paroles. Ima sauti yote ont suscité une foi ferme en Isaac. Ilamusha imani ya kushikamana ndani ya Isaac. Isaac savait lui. Isaac alijua yeye mwenyewe. Que moi je ne suis pas comme tout le monde. Ya kusema mie nishi na sabantu bote. Il savait arijua que mon père a eu Ismaël avant babangu mbele yangu alikuwa na Ismaël. Il savait arijua que mon père a eu sept autres fils et filles. Yakusema babangu akizalaka batoto saba banamke na banaume. Mais lakini moi je suis spécial. Mie niko wa kipekee. Je ne suis pas comme tout le monde. Mishina sabantu bote. Tous mes frères et toutes mes sœurs yangu banamke na banaume bote peuvent faire ce qu'ils veulent. Banaweza kufanya bile banapenda. Peuvent se marier baneza comme ils veulent. Kuoana vile banapenda. Ils peuvent vivre comme ils veulent. Banaweza kuishi vile banapenda. Ils peuvent boire. Banaweza kunya. Ils peuvent se prostituer. Banaweza kufanya busharati. Ils peuvent se compromettre dans toutes sortes de mauvaises vies. Kujitumbukiza mu maisha yote ya mbaya. Mais lakini Isaac yeye aranza kujichunga safi. Il était conscient de ça. Alikuya na ile mambo mwakili yake. Lui savait. Ye alijua. Qu'il était réservé. Alikuwa anesha kuchungiwa. Pour que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Malako ya Mungu yote ipate kutimilika maisha yake. Que le Seigneur bénisse. Mwana Mungu ambariki. Et en regardant à Isaac, na kuangaria kwa Isaac, c'est comme ça que nous nous retrouvons aussi. Jo kule na shi tunatokelea. Galate chapitre 4. Wa Galatia sura ya 4. Galates chapitre 4, wa Galatia sura 4, verset 28. Mustari yake ya 28, makumi mbili na. Pour vous, frères. Kwenu mwe banduku. Là maintenant, on s'adresse à nous. Apa benasema njuu yetu. Comme Isaac. Sa Isaac. Vous êtes enfant de la promesse. Muko batoto ba malako. C'est-à-dire, vous êtes comme Isaac. Muku sa Isaac. Maintenant, soyez conscients de la chose. Mukwe na ile mambo mugo yenu. Regardez Isaac. Mangare Isaac. Isaac était tranquille. Isaac alikuwa mwenye kutulizana. Peu importe ce qu'Ismaël pouvait faire. Aizuru bile Ismaël aliweza kufanya. Peu importe ce que les enfants de Ketura pouvaient faire. Aizuru bile batoto ya Ketura baliweza kufanya. Isaac lui savait. Mais Isaac ye alijua. Moi je n'ai pas droit à l'erreur. Mimi sina na halali kufanya kosa. Même quand je dois me marier. Hata kama mimi nafia kuoa. Non. Apana. Moi je dois me référer à la parole de Mina Dieu. Mina pasha kuangalia kuneno la Mungu. C'est ainsi que frère. Ndio kwa maana ndugu. Isaac avait 40 ans. Isaac alikuwa anaisha kuwa na miaka 40. Quand Abraham donnait la commission à Eliezer. Wakati Abraham anaanza kupatia bujito Eliezer. Vous pouvez vous imaginer. Mwezi kuwazi mbele. Un gaillard de 40 ans. Kiana wa miaka umri 44. On lui demande de rester chez lui. Banambia bakie kwabu. Et on charge Eliezer d'aller lui chercher une femme. Na banambia Eliezer enda kamtafutie bibi. À notre façon de voir les choses. Munamna yetu ya kona bintu. Si mutamseme ko bumbafu. Zedi c'est insensé. Tomambia ce petit. Ready. Mwana bakie baka kutafutie bibi. Toi tu es insensé, tu restes on passe chercher pour toi une femme. Et il était tranquille. Alikuwa mwenye kutulizana. Il savait ce qu'Abraham faisait. Alijua bile Ibrahim aranza kufanya. Et il ne s'agit pas. Na ashukua kuluka luka. Il pouvait appeler Eliezer à côté. Eliezer kumbemene. Vous allez à combien en délégation? Munenda bangapi mbele? Qu'avez-vous pris? Munaiba konini? Et comment allez-vous vous en sortir? Na mutebifanya je. Eliezer lui disait. Eliezer anza kumwambia. Ton père. Baba yako. A engagé l'ange. Alitia mkaji malaika. Pour te choisir une femme. Juu ya kukuchakuria bikie mwanamke. Bibi. Genèse 24. Mwanzo makumi mbili na ine. Genèse 24. Mwanzo makumi mbili na ine. Verset 5. Mustari yake ya 5. Le serviteur lui répondit. Mtumishi akamjibu. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Sa zingine binti mule mwanamke ashezi kuchika kunifuata mwinchi. Devrais-je mener Isaac dans le pays d'où tu es sorti? Eti nezi kumubeba Isaac nyende naye mwinchi lokitoka? Abraham lui dit. Abraham akamwambia. Garde-toi d'y mener mon fils. Ujichunge usipeleke mtoto yangu. C'était très compliqué. Ikwani atari. L'Éternel, le Dieu du ciel, wa milele, Mungu wa mbingu, qui m'a fait sortir de la maison de mon père, ulainitosha mnyumba ya baba yangu na et qui m'a parlé, nchi yangu na risemeze, et qui m'a juré en disant, na alilapia mkutema, je donnerai ce pays à ta postérité, nitapatia hii nchi kizao yako, lui-même, ye peke yake, enverra son ange, atatuma malaika wake, devant toi, mbele yako. Ah, c'était une bonne commission. Ilikuwa ni kazi mzuri. Et Isaac faisait confiance. Na Isaac alikuwa anatumainia. Que le Dieu qui m'a fait moi naître dans ce monde. Mungu ulinileta mimi duniani nizalike. C'est celui-là qui est chargé de choisir une femme pour moi. Anabeba bujito ya kunichakuria bibi. Et il a dit à Eliezer. Na armambia Eliezer. Tu connais comment je suis venu moi au monde? Unajua namna kani nilikuwa pa hii dunia. C'est par un miracle divin. Nikupitia majabu ya kimungu. Le Jehovah. Jehovah. Qui a permis à mon père. Aliruhusu kwa baba yangu. Et à ma mère. Na kwa mama yangu. Il les a rendus capables. Alibapatia uwezo. Afin que moi je vienne au monde. Mie nipate kwa mwi dunia. Et aussi puissant. Na eko na uwezo tena. Pour trouver une femme. Ya kunipata mwanamke bibi. Qui me convient. Ule anenistahili. Et je fais confiance. Na mimi natupa. kutumainia. Frère, nduku, kama njo vile shiba Kristo tulikuwa naamini, si c'est comme ça que on nous aussi on croyait, je crois que n'y aura pas de problème. Nazania mupashi kwa mamambo katikati yetu, mupashi kwa amini ya kusema, on devait croire que Mungu la le Dieu m'a fait quitter des dénominations, Mungu la le Dieu qui m'a fait arriver à croire la, la parole véritable. Inenea, lorsque le temps de me marier arrivera, mi tangaria à ce Dieu là, il me donnera une femme. Que Dieu vous bénisse. Les jeunes sœurs aussi. Babinti va d'adada na mwamba. Kuya na ile mambo muro yabo. Le Dieu qui m'a mené à la foi. C'est Dieu à qui je vais me référer, si c'est ses frères ou non. Et c'est comme ça qu'on a devait agir. Njove tulipasha kwanza kutenda. Isaac est resté tranquille. Alibakia mwenye kutulizana. Il savait que Dieu kusema, est dans la chose. Mungu eko mumambo. Moi je ne suis pas n'importe mie, qui. Mishina muntu wote. En cas d'erreur, mwakati nafanya tunkosa, tout sera faussé. Mambo yote italabika. Si je tombe sur kama, une mauvaise femme, mina anguka babibi mubaya, et que ma vie na, est troublée, maisha yangu nakuwa mvuruko, même le Messie, ata Messia, même le plan du salut, ata mapu ya okovu, sera dérangé. Itauji. Et vous, comme Isaac, na mweye, sa Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Muko batoto ya malako. C'est-à-dire, nikusema, dans notre vie, ndani ya maisha yetu, à partir du moment où nous avons cru, pale tutu reaminiaka, nous devons maintenant comprendre kwanza kuelewa sasa, que tout dans notre ya vie kusema, bitu biyoto, maisha yetu, dépend de Dieu. Iko na ngaria na Mungu. Tout dans nos foyers yetu, doit dépendre de Dieu. Mapashi kwa ngaria Mungu. Tout dans nos activités ma doit dépendre de Dieu. Te Mungu. Et dire que tout dépend de na Dieu, biote cela Mungu. Veut dire que tout kusema dépend de la parole de Dieu. Bon embarique. Que le Seigneur bénisse. Si nous étions conscients, kama turkuya na ile zamiri, nous agirions comme Isaac. Turpasha kuanza kutenda sa Isaac. Regardez maintenant. Sasa. Même Eliezer, ata Eliezer savait que c'était une chose très compliquée. Ni mambo ya nguvu. Mais néanmoins, lakini, regardez Eliezer, Mangari Eliezer, la Bible en parlant de Genèse 24, Biblia, verset 1, verset 24, msura kia kwanza, verset 2 plutôt, msura kia pili, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Abraham n'a pas pris n'importe Ibrahim qui. Ibrahim il savait que Eliezer ici, Eliezer, parce que même dans la vie d'Abraham, Ibrahim, un mois Abraham croyait que Eliezer c'était fulani, son héritier. Eliezer, c'est-à-dire, Eliezer était Eliezer tellement associé aux affaires, il a vu Ariona, toutes les étapes de la vie par lesquelles Abraham est passé. Ma, étape yote Abraham a répété, yote Abraham est passé. Il a vu il, Ariona, toutes les guerres, ma vita, toutes les expériences. Ma onjo, il a vu Ariona, ma tout le parcours d'Abraham. Ariona, kupita, maisha yote Ibrahim, Eliezer, na Eliezer, un moment était convaincu wakati moya, Arkona, kikisho, que cet homme a Dieu. Eko na Mungu. Et quand il me dit, na kama ninyambia, va, wende, mon Dieu là Mungu wangu, sera avec toi. Atakuwa na we, Eliezer était convaincu. Eliezer, akuwa na kikisho. Que le Seigneur bénisse. Mungu embariki. C'est ce que vous allez retrouver. Mana, utakuta, quand Eliezer est arrivé dans la ville, Eliezer afika muji, il était sérieux. Alikuwa na moyote, il a dit non, anasema, non. Apana, dans cette affaire, muikaji, il faut invoquer le Dieu d'Abraham. Kuita Mungu wa Ibrahim. Genèse 24. Mwanzo makumi mbili na ine. Regardez le verset 12. Et Eliezer dit, na Eliezer akasema, Éternel, wa milele, Dieu de mon Seigneur Abraham, Mungu wa bwana wangu Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Unifanye nikutane bila minataka na ukuye kona wema kwa mtumishi kwa mwalimu wangu Ibrahimu. Unisaidie na we Mungu wa Abraham, mwema Mungu d'Abraham, inakuya kutafuta. Asetije, que je suis venu chercher. We mwenyewe fanya nguvu. Toi-même fais l'effort. muke wa Isaac apate konokana. La femme d'Isaac puisse parce être Parce que ina tena mambo ya Mungu. Parce que ça, ça ne concerne plus les hommes, c'est Dieu. Isaac n'est pas comme tous les enfants d'Abraham. Isaac ana sabato toboto Ibrahim. Parce que par Isaac, Isaac c'est par là que le Messie Dieu parle le Messie anapasha kuzarikiwa. Alors il faut pas que le sang d'Isaac soit souillé. Haifai damu ya Isaac ichafushwe. Est-ce que ba Isaac ba leo be est-ce que les Isaac d'aujourd'hui est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Nous, nous ne devons pas nous souiller. Nous ne devons pas vivre n'importe comment. Même dans notre façon de nous conduire. Nous devons nous arrêter. Et comprendre que. Alors nous ne sommes pas comme tout le monde. Même si toutes les jeunes filles font n'importe, toi, n'importe quoi, oui, dada yangu, aweji kujongoza sabantu bote. Même si tout le monde se comportait comme ils veulent. Bantu bote anjongoza bila mais la penda, nous, lakini shie, pas question. Apana. Isaac était tranquille comme Isaac, je vous l'ai dit. Frère, comment voulez-vous qu'un jeune homme de 12 ans il arrive à la montagne, anafika kumulima, il pose la question anauliza à son papa, baba yake, voici le bois njo, oyi, et nous avons le feu. Na tukuna moto, mais l'agneau de sacrifice, sasa, nkondo ya kutolea, il est où? Iku api. Le papa devait lui dire, baba, l'agneau c'est toi. Sima, nkondo, ni weyi. Et comment vous pouvez vous imaginer? Comment un jeune homme de 12 ans m'amonesha se wenjo tunata kuhu. Mwambia se toi konvetue. Qu'il soit d'accord. Et na anichik. Tout enfant ici va fuir. Non, pas va dire, pana, mais tu es. Mais comment lui s'est donné volontairement? Comment pouvait-il accepter ça? Il a dit, ah bon? C'est ce que dit la parole. Donc il est question de moi. Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura ya 4. Jean chapitre 5, pas chapitre 4. Jean chapitre 5. Sura tano. Verset 3. Musara kiatatu. Car Kwani? L'amour de Dieu mapendo ya Mungu consiste à garder ce commandement. Iko ni kuchunga maamri yake. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Na maamri yake aina ya bujito wala kazisha. Ne sont pas pénibles pour qui? Kwa nani? Car tout ce qui est né du monde de Dieu kwani bote benye kuzalikwa na Mungu triomphe du monde beko na shinda dunia. Les commandements de Dieu maamri ya Mungu ne sont pas pénibles pour ceux qui sont nés de Dieu. Aina ya kukazisha kubale banesha kuzalikwa kwa na Mungu. Pour ceux qui sont nés selon la volonté de Dieu banesha kuzalikwa kufuatana mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. La parole de Dieu neno la Mungu n'est pas compliqué pour les enfants de Dieu. Aina ya nguvu kwa watoto ya Mungu. Pour ceux qui sont nés véritablement de Dieu. Banisha kuzalikwa akika kwa Mungu. Kuacha kutakata ce n'est pas arrêter compliqué. De clexir la peau aina ya nguvu. Kuacha kunywa pombe. Arrêter de prendre l'alcool c'est aina ya mambo ya nguvu. Kuacha busharati ce n'est pas compliqué. Arrêter aina ya mambo ya nguvu kwabo. Kutubu ce n'est pas compliqué. Repentir aina ya mambo ya nguvu kwabo. Kuacha tribalisme ce n'est pas compliqué. Arrêter kikabila aina ya mambo ya nguvu kwabo. Ils prennent plaisir. Beko na furahi. À vivre la parole de Dieu. Kuishi neno la Mungu. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu embariki. Les commandements de Dieu ne sont maambri pas. Maamri ya Mungu aina bujito aina. En ce temps-là, mwile wakati. Le commandement de Dieu. Maamri ya Mungu. C'était que l'agneau qu'il faut immoler c'était Isaac. Kondo ule wapasha et kuwa Isaac n'avait pas vu que c'était compliqué pour Isaac lui. Isaac ashikona sen mambo ya nguvu kwake. Il a dit Le Dieu qui a fait que je sois venu au Mungu monde est aussi puissant. Même si on m'égorgeait, et comme je suis celui na. Par qui le Messie doit venir, Dieu s'arrangera pour que je revienne à la vie. Yote wezekana, il croyait comme ça. Vile. Je n'en pas ça quand nous en parlons. Aujourd'hui, quand nous nasema, c'est comme si c'est très difficile. Mais la foi est une révélation. Le jeune homme croyait tellement qu'il est un enfant spécial que Dieu ne permettra pas que le plan du salut soit annulé. Amen. Amen. Il croyait comme ça. Nous devons croire que sans nous, l'enlèvement n'aura pas lieu. Mais c'est avec nous qu'il est question d'enlèvement. Nous sommes rassemblés ici, frère, pour que l'enlèvement ait lieu. Nous sommes rassemblés pour que la restauration de toutes choses ait lieu. Nous sommes rassemblés pour que l'épouse de Jésus-Christ soit manifestée. Bibi arusi wa Yesu Christu aonekane. Alors nous ne devons pas nous confronter à kujitwala namna gani. Namna yote. Si kuacha kuna mpombe, nous arrêter de prendre la bière aina mambo ya nguvu. Ce n'est pas pénible pour aina mambo ya nguvu kwetu. Si kuacha kushimanga, ce n'est pas compliqué. De aina mambo ya nguvu. Nous donnons tellement la parole que la parole devient une vie pour nous. Isaac en son temps, il s'était tellement donné sana, à ce que la parole avait exigé en ce temps-là, qu'il est neno yalika mwile wakati, qu'ile neno rilomba ce que la parole de Dieu avait exigé à son temps, Isaac prenait plaisir à ça. Na ile. Et nous prenons plaisir jie, à vivre la parole de Dieu. Neno la Mungu. Psaume 119. Zaburi. Psaume 119, Zaburi 119, verset 162. Je me réjouis de la parole. Niko na furaiwa na neno. Mon cœur ne prend plaisir qu'à ce que disent les Écritures. Moyo wangu kuna furaiwa paka bile neno nasema. Et je ne tremble que quand la parole me dit quelque chose. Na mina tetemeka kapaka mwakati neno la Mungu nasema. Psalm 119, 161, 162. Les véritables enfants de Dieu. Batoto ya Mungu ya kweli. Boba na shutuka kapaka neno la Mungu. Eh, il s'étonne tellement que la parole de Dieu. Na bana furaya kapaka na kile neno la Mungu. Il se réjouit seulement avec ce que la parole de Dieu dit. Bila bina maneno ya Mungu. Ce qui n'est pas la parole de Dieu. Ça les laisse indifférents. Ya iba shitushake. Ce qui fait notre plaisir, ce qui fait notre joie, c'est seulement le commandement de Dieu. Si tu n'es pas ainsi, vile, ah, je me demande de quel semence tu es. Si la parole de Dieu devient pénible pour toi, kama neno la Mungu inakuya ya bujito kwako, tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut bakukazishe. Il faut qu'on t'efforce. Même pour pardonner quelqu'un, il faut que les gens s'expliquent. On a dit, ça va. C'est dit, vous avez insisté, j'ai pardonné quand même. Ce n'est pas ça. aina vile. Je me réjouis de ta parole. Na furahiwa na neno lako. Comme celui qui trouve un grand butin. Sa ule anapata mari ya mingi. C'était ça Isaac. Jo vile kwa Isaac. Comme la parole avait exigé. Neno ilomba. Que c'est moi le sacrifice. Mie njo sadaka. Alors je suis content. Sasa mimi na furahi. Je suis content. Mina furahi. Comme Dieu m'a choisi moi. Mie, que je sois le sacrifice. Ce sadaka, jour. Alors je suis content. Pale mimi na furahi. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu ambariki. Isaac était content. Alikuwa na furaha. Que en ce temps-là, mwile wakati, c'était lui. Ilikuwa ni yeye. Le sacrifice. Jo sadaka. Et nous, na shie, nous sommes contents. Tuko na furahi. Quand ce jour, mwile wakati, que c'est nous les panneaux publicitaires. Shio njo tuko na mablubao ya kutangaza. C'est nous qui devons nous sacrifier. Njo tunapasha kujitoa. Pour être des panneaux publicitaires. Ya kuya mablubao ya tangazo ya Mungu. Pour être l'épouse de Jésus. Juu ya bibi harusi wa Yesu Kristo ni shie. Na tunafurahi juu ya ile. Alors, tout ce que demande la parole. Kile kyote neno la Mungu na lomba. Ah, nous nous employons pour que cela soit notre vie. Tu kuna jikaza juu iko maisha yetu. Ah, iko maisha yetu. Que ça soit notre vie. Kama kusimanga kuku na uji Mungu. Si me dire ça dérange Dieu. Je me force. Nous ne jikaza. Pour ne pas blesser Dieu. Juu nishimu vunje Mungu. Ah, pour ne pas trister son esprit. Nishikose kuzunisha roho ya Mungu. Comme c'est un commandement de Dieu. Ni amri ya Mungu. Et qu'il en cette affaire là. Na mwile mambo. La seule personne à qui Dieu demande cela, c'est moi. Muntu tu moya ule Mungu analomba ni paka mie. Je me forcerai. Minte jikaza. De garder ma bouche. Ya kuchunga kinywa changu. De garder mes lèvres. Ya kuchunga milomo yangu. Je demanderai à Dieu. Nitalomba kwa Mungu. De placer une sentinelle sur ma bouche. Mchungaji pa kinywa yangu. Afin que je ne blesse pas ses sentiments. Nisipate kuzunisha Mungu. J'accepterai. Nitechika. Moi de devenir le sacrifice aujourd'hui. Nikuye sadaka leo. J'accepterai. Je m'efforcerai. Moi. Mie, afin que je devienne moi le sacrifice vivant de sadaka Jésus. Jésus Christ. Romains chapitre 12. Wa Roma 12. Romains 12, verset 1. Wa Roma 12, mstari wa kwanza. Et 2. Na ya pili. Je vous exhorte donc, frère. Nikunemeonya bashi banduku. Par les compassions de Dieu. Kupitia huruma ya Mungu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mutowe mili yenu sa sadaka yenyekuwa hai. Faites comme Isaac. Mfanye sa Isaac. Donnez-vous comme sacrifice Mujitowe à Dieu. Kwa Mungu. Que Dieu prenne plaisir. Apate kufurahi. Quand vous venez, agissez comme Isaac. Tenda sa Isaac. Donnez votre corps. Toa mwili yako. Donnez votre vie. Toa maisha yako. En sacrifice. Kama sadaka. Est-ce que ba Isaac et les kwe? Isaac sont là réellement? Ba Isaac, on a pas ce les Isaac qui doivent dire, c'est vrai. Nous sommes aujourd'hui. Tout coléo. Les Isaac véritables. Et nous prenons plaisir. Non, ça ne nous dérange même pas. Par contre, ça nous réjouit. De ce qu'aujourd'hui, comme Isaac, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous sommes le miracle de Dieu. Regardez comment la Bible parle. Je vous exhorte. Parle compassion. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oui, comment Dieu s'est donné la peine de vous choisir. Dieu a abandonné beaucoup de gens sérieux dans ce monde. Alors, à cause de ce choix que Dieu a porté sur vous, donnez-vous aussi comme Isaac. Comme Dieu exige un sacrifice aujourd'hui. Et le sacrifice aujourd'hui, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Faites comme Isaac. Donnez-vous volontairement. Isaac n'avait pas résisté. Isaac said, Isaac alisema, à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Mungu parce qu'il y a Ismaël. Parce que Ismaël. Il y a tous mes frères et toutes mes soeurs. Mais le choix de Dieu est tombé sur moi. Mais comme il me demande moi de devenir le sacrifice, j'accepte. Qu'il fasse de moi, qu'il fasse de ma vie ce qu'il veut. Il en appenda. Bon embarras. Que le Seigneur bénisse. Frère, moule mouro ya komule. Dans ton cœur là, toi si tu diras non, Mungu afanye na que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Frère, à cause du grand amour, quand je regarde dans ma famille, si je regarde, quand je regarde dans toute ma famille élargie, quand je regarde parmi ceux de ma génération, comment Dieu a-t-il laissé tous ces gens et Dieu est venu vers moi? Comment ai-je cru ce message? Comment ai-je échappé à toutes les fausses doctrines? Apan. Non. Je donne ma vie. Ça, je ne réfléchis pas. Je donne mon corps. Que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. Je donne ma bouche. Je donne mes yeux. Je donne mes oreilles. Tout mon temps, tout le meilleur de ma vie, je l'accorde à Jésus-Christ. J'investis ma vie pour le Seigneur. Et non pas pour le monde. Regardez le verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. À qui est-ce qu'on demande ça? Isaac ou Léon? C'est l'Isaac d'aujourd'hui. Ekowapi. Il est où? Où la tangara que c'est Isaac qui va regarder. Comme le monde aujourd'hui fait comme ça. Miyapan. Moi non. Moi je suis spécial. Miyeni kwa kipeke. Moi je m'investis. Miyeminati akiba yangu ndani ya neno la Mungu. Que le Seigneur bénisse. Alors, quand tu n'as qu'à vivre, si nous comprenons ainsi, mambo, il n'y aura pas de problème. Makogota, il n'y aura pas de tiraillement. Tout le monde. Ils vont commencer à s'efforcer en disant non. Il faut que je puisse vivre ce que la parole de Dieu dit. Il faut que je sois ce que la parole de Dieu me demande. Je ne peux pas m'essuyer. Si quelqu'un faussait, lui-même, il ne va pas attendre vendredi. Lui-même dans sa maison, il va commencer à pleurer. Il va pleurer à Dieu. Comment expliquer que moi je veux faire des choses comme ça? Comment expliquer que moi je veux parler comme ça? Comment expliquer que moi je veux suivre des films comme ça? Non, Seigneur, je ne peux pas accepter. Donne-moi la force pour vaincre ces choses. Ils sont où, les séjours d'Isaac? Il faut qu'il y ait des Isaac quand même. Moi je ne peux pas me marier. Monsieur Zukolewa, chez Zukowa. Au païen. Kubapagano. Ni au dénominationnel. Moi je ne peux pas. On ne peut pas me toucher par un garçon, un homme. Non, moi je suis gardé parce que Dieu va me donner un mari. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Isaac a 40 Isaac ans. Isaac a 40 ans. Tranquille. Mwenye kutulizana. Il dit, si Dieu ne me donne pas un mari, si Dieu ne me donne pas un mari, j'attendrai. Et il a dit à Eliezer, allez-y. Si ça ne marche pas, kama biendeke, ah, c'est Dieu. Ah, ni Mungu. Et Isaac était na, tranquille. Isaac alikuwa mwenye kutulizana. Regardez, mon même quand le jour où Rebecca venait, Isaac était là en méditation. Il dit, moi je suis un enfant spécial. Je ne suis pas comme tout le monde. Isaac était sorti Isaac, en promenade, en train de méditer un peu. Je crois qu'il venait de faire une longue prière. Il dit, Seigneur, comme je suis un enfant spécial, interviens là où Eliezer est parti. Toutes ces choses se réalisent selon ta volonté. Et quand il a prié, il a senti une conviction. Il a dit, ça va, je prends un peu de l'air. Et pendant qu'il méditait là, il a senti, c'est comme si les gens qui venaient vers lui, il dit, Eliezer, avec tout son groupe, il regarde sur les chevaux. Il voit une dame. Il dit, Dieu a accompli la chose. C'est fini. Ah, comment tu comprends? Si on avait compris au moins ces histoires, ces choses. Isaac. Un homme. Frère, pour les choses de Dieu. Dieu habite à Mungu. Il se donne librement. Et avec joie. Il dit que Dieu fasse sa volonté. Mungu afanye mapenzi yake. romain. Wa Roma. Attendez. Tchung mongolais kitoko. Romain 14. Wa Roma 14. Romains 14, versets 7 et 8. Roma 14, voire même 9. Saba. En effet, Kwangaria, nul de nous akuna yetu, ne vit pour lui-même. Et kuna ishi juu yake mwenyewe. Je ne vis pas pour moi, mais je ne suis pas chef de ma vie. Mishina mwalimu wa maisha yangu. Je ne peux pas faire ce que je veux. Mishiezi kufanya bile minapana, minataka. Même dans mon couple, je ne peux pas faire. Ata ndoa yangu, siwezi kufanya. Même mon corps, je ne peux pas faire ce que je veux. Kufanya vile minapenda. Nul ne de nous. Hakuna mwoya atakati mwoya katikati yetu. Ses propres intérêts. Eko naishi juu ya faida yake mwenyewe. Hapana, hapana. Même ma bouche, je ne peux pas faire de ma bouche ce que je veux. Je ne peux pas parler comme je veux. Mes yeux, je ne peux pas faire de mes yeux ce que je veux. C'est un temps où l'Isaac d'aujourd'hui prend des décisions. Dis non. Je ne peux pas vivre pour mes propres intérêts. Non. Je ne peux pas faire ce que je veux. Que faut-il faire? Nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Même pour mourir. Frère, les élus, il faut que Dieu décide. Comme vous êtes la volonté de Dieu manifestée. Croyez aussi. Même pour quitter ce monde. Il faut que Dieu donne son accord. A tout de même, nous sommes tranquilles comme Isaac. Nous savons que nous savons que de ce monde, lorsque Dieu dira ça n'est fini, frère, la maladie s'y peut m'emporter. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Nous sommes tranquilles. Je partirai le jour, l'heure, la minute, la seconde prévue par le Très-Haut. Tout autre événement ne peut plus rien faire. Verset 8. Verset 8. Romains 14. Car Kwan, si nous vivons, kama tunaishi, nous vivons pour lui de paix. Non. Nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. Notre temps est pour le Seigneur. Notre corps est pour le Seigneur. Notre bouche est pour le Seigneur. Même nos activités. Qui est le chef? Inani chef. Le Seigneur Jésus. Ça, ça aurait pu dire. Mais toi, tu ne payes pas la dîme. Jésus Christ, comment est-ce qu'il y a un coup de maïsha? Chaque mois, on a dribblé. Qu'il a moins de on a moukaya. Nous vivons pour le Seigneur. Ma si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ah, la Bible parle très bien. Nous sommes au Seigneur, nous appartenons au Seigneur. Écoutez maintenant le verset. Car Christ est mort et il est revenu à la vie. Afin de faire quoi? De dominer. Et nous nous aimons que Christ nous domine. Christ est l'Esprit et la parole. Nous voulons être dominés toute notre vie par la parole. Que Christ nous domine. Frère, même quand nous allons à genoux, c'est tout ce que nous demandons. Seigneur, domine ma vie. Possède moi. Il n'y a rien à moi qui appartient à mon cœur. Viens tellement occuper mon cœur. Fais la joie de mon cœur. Toi-même conduis ma vie. Décide de ce que sera ma vie. C'est ça notre prière. Et Dieu, na Mungu, regarde comment tu angaria, una, kaniku, nasema, 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza, sura 3. Frère, kama tunashikia mambo ya Mungu. Duku, si nous comprenons les choses de Dieu, makokotano. Il n'y aura pas de tiraillement. 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza, Sura 5. 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura 5. Lisez maintenant. Musome sa 14 15. Msari ya 14. Nous avons auprès de lui. Tuko kwa upande wake. Cette assurance. Il a tikisho. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Kama tunalomba kitu kimoko fatana mapenzi yake. Il nous écoute. Eko natushikia. C'est-à-dire il fait attention. Sema eko nateka shikio. Comme c'est ça sa volonté. Ndio mapenzi yake. Il arrête tout ce qu'il fait. Anasimamisha vile vyote anafanya anasema. Ce qu'il demande là. Bila kunalomba. C'est ce que je fais. Ndio kile mimi napenda. Comment c'est ce qu'il veut? Ça, nous avons l'assurance. C'est ce que nous lui demandons. Il va nous l'accorder. Nous nous voulons qu'il nous domine. Si napenda, et c'est ça sa na volonté. Yake, il va nous accorder ça. Ile. Il va nous accorder. Je veux que ma vie, frère, yangu, nuku, que Christ me domine. Christ, que Christ vive sa volonté Christ par moi. Yake que Christ vive ses pensées par moi. Mawazo yake mie. Mais c'est ça sa volonté. Yake. Et comment c'est ça sa volonté? Quand je commence yake, à réclamer ça, kulomba ile, il est attentif. Ye eko nashikia, et comme il est attentif, na il faut qu'on partage. Il faut lui accorder. Il faut que m'tenda bifani que bile qu'on a l'ombre. Que ça puisse accomplir comme il le demande. J'ai toujours pris l'exemple de Marie. Baka mufano Maria. Marie mère de Jésus. Maria maman. Regarde quand elle a entendu l'ange parler. Wakati alisikia Maria na malaika anasema. Malaika amwambia. Tu sais Marie. Unajua kusema Maria. De toutes les filles qu'il y a ici en Israël. Katikati ya babitu wote wa Israel. Le choix Mungu inaangukia pako. Pour porter la grossesse du sauveur. Mimba ya mkombozi. Maintenant, regarde. Ça, sangaria. Tu es déjà fiancé. Uko déjà mchumba. Tout est déjà prêt. Mambo yote pour le mariage. Acceptes-tu de retarder le mariage ya kukausha kondoa pour porter cette grossesse? Mimba. Marie, quand Maria, elle a compris, wakati angelewa vile, entre le mariage ya ndoa et porter Christ. Na kubeba Christ. Elle a dit ce qui est important, c'est porter Christ. Yenye kwa mafani kufua kubeba mimba ya Christ. Alors, sasa, qu'il me soit fait selon la parole que tu viens de m'annoncer. Porter Christ est très important que le mariage. C'est sacrifié pour la parole est très important que le mariage. Où sont ses filles? Où sont ses frères? Qui acceptent ça? Qui s'investissent? Qui disent, moi ma vie, c'est Jésus. Vivre pour la parole. Agir selon la parole. Me conduire selon la parole. M'habiller selon la parole. Et même si on me demande que tel habit n'est pas correct selon la parole de Dieu, cela n'est pas pénible pour moi. Par contre, cela réjouit mon cœur. Comment vous agissez comme ça? Vous comprenez rien. Nous, regardez Isaac. La parole de ce jour-là disait que le sacrifice, c'est toi. Isaac, ça réjouit. Isaac a dit, papa, ça va, attachez-moi, mettez-moi sur le bois. Et ils étaient sérieux. L'enfant obéit. Le papa obéit. Le papa prend le couteau. Dieu a regardé à lui. Si je pouvais avoir des gens comme ça, dans tous les âges, moi Dieu, j'accomplirai des merveilles. Abraham a bamba mukono. Abraham a peni la levé sa main. Abraham, Abraham, Dieu a dit, Ibrahim, Ibrahim, tu m'as convaincu. Je vois. Minaona. Tu es obéissant. Mais à cause de cela, voilà ce que je prononce. Gaya kile minta sema sasa. Mais au lieu d'avoir Isaac, pai pakuya na ba Isaac, nous avons des Esaïe, des Ismaël. Na ba Ismaël ba mingi. Regardez comment la Bible parle. Mwangaye namna kanisa Biblia asema. Ce sera un âne sauvage. Itakuya ni mpunda wa pori. Un âne sauvage. Bantu ba mo ba bumbafu. Les hommes insensés. Un âne sauvage. Punda wa mtenji. Mtu asipo akili ule Ismaël. Un bourique qui n'est pas intelligent. Et tu me sors son macaille. Combien ont déjà lu ça? Mambo à Biblia. Le jour où Agar fouillait avec son fils, Agar anza kimia. Dieu lui dit, tu es enceinte. Mungu asema kuna mimba. Tu donneras naissance à un garçon. Utazala ki mutoto son nom sera Ismaël. Na njina yake itakuwa Ismaël. Mais Dieu lui donne même le nom. Mungu anampatia na njina. Il dit, je le bénirai. Mais ce sera un âne sauvage. Atakuwa mpunda msenji. Muntu bumbafu. Un homme insensé. Mambo ya Mungu haitamdiri. Les choses de Dieu ne lui dira absolument rien. C'est que la parole de Dieu dit. Lui, il fait autre chose. Vous allez voir, même quand il va se marier, il fait ce qu'il veut. Le jour du mariage, il fera ce qu'il veut. Même toute sa descendance. S'en fout de la parole. Ils sont comme les Esaü, des gens profanes. C'est-à-dire, mambo ya Mungu, s'en fout. Les choses de Dieu, abashitukaki. Un temps de décision. Nwakati ya kubeba mpango. Bantu kama wasikia vile. Si les gens écoutent que comme ça. Nasema non. Ils disent, frère, il faut quoi ça Isaac? Nduku tunapashi kwa sa Isaac. Kema faut-il faire? Minezu kufanya nini? Repentez-vous. Faut kutubu. Donnez-vous au Seigneur. Ujitole kwa Bwana. C'est tout. Unaisha. Crier, demander à Dieu. Lalamika umlombe Mungu. De créer cette nature en vous. Umbe ile asili ndani yenu. De créer cette assurance en vous. Ile atikisho ndani yenu. Donnez-vous au Seigneur. Ujitowe, mjitole kwa Bwana. Deux Corinthiens chapitre 5. Verset 14. L'amour de Christ, mapendo ya Kristo, fait une pression en nous. Ikuna tusonga ndani yetu. Unaona ba Isaac. Waele Isaac. Ils sentent eux en tout temps. Boko nashikia mkila wakati. L'amour pour la parole. Mapendo ju ya neno. L'amour de faire que ce que dit la parole. Kufanya paka kile neno la Mungu nasema. C'est la fait c'est une pression dans leur cœur. Tusongwa muro yabo. Tant qu'ils ne font pas ce que disent les écritures. Maandiko yanasema. Ils sont malades. Beko bagonjwa. Il y a une forte pression dans le cœur. De réparer la vie. Jua kutengeneza maisha. Une forte pression de ne plaire qu'à Jésus-Christ. Une forte pression d'être ce que disent les Écritures. L'amour de Christ nous fait une pression en nous. Pourquoi? Nous sommes Isaac. Nous estimons que si, c'est l'écriture, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Nous comprenons que l'œuvre de Golgotha, c'est pour nous. Donc, Christ a porté toute ma malédiction, tout mon péché, toute ma méchanceté. Et à cause de ça, Dieu m'a agréé. À cause de ça, alors je m'investis. Je me donne pour la parole. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Parce que leur volonté. Nous appartenons. Nous sommes dans le programme de Dieu. Dieu compte beaucoup sur nous. Alors il passe Dieu veut avoir des panneaux aujourd'hui. Ma vie ne compte pas. Mais ce que dit la parole, c'est ce qui est important. Frère, je termine. Regardez une femme comme Rahab, la prostituée. Unaona tupangake bantu manjina ba Rahab Voyez, on donne pas les noms de Rahab, beaucoup de gens sont des Sarah. Mais cette fille-là, elle était dans la prostitution. Mais c'était une semence prédestinée. Elle avait fait une déclaration. Souvent quand je relis ça, je lui dis c'est vrai. Si même moi je pouvais comprendre les choses de cette façon, nous irons très loin. Josué chapitre 2. Yoshua, Surapiri. En son temps, elle a pris une décision. Elle a dit non. C'est que moi je viens de trahir mon goût. Je ne peux pas trahir Dieu. Josué chapitre 2. Yoshua Surapiri. Verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Rahab akapanda kwabo kupitia pamalata. Et leur dit, na akabambia, l'Éternel, je le sais, wa milele minajua, je le sais, minajua, l'Éternel, ya kusema wa milele, vous a donné ce pays. Alimipatia inchi. Quelle foi! Les gens ne sont même pas encore entrés dans la cité, dans la ville. Ils disent, votre Dieu vous a déjà donné la vie. Verset 10. Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Miumbi tufikia vile wa milele mkutoka kwenu umisiki alikausha mai pabari mkunda. Regardez. Mongarien. Elle a appris seulement ça. Alipata tu ni miumbi. Et elle s'est dit. Na anasema. Ça y est. Asa, kunenea. Occasion yoi. Jobati. Aba njoba toto ya Mungu. Ce sont les enfants de Dieu eux. Mais angalia comment nous agissons. Elle a appris ce que Dieu a fait. Quand Israël quittait l'Égypte, elle a pris une décision. Maintenant, toi tu as entendu combien de prédications? Combien d'évangélistes sont passés? Combien d'enseignements vous n'avez pas? Mais regarde ton état. Elle parle à l'affirmatif. Hein? Mais Israël n'avait pas encore possédé ce pays-là. Elle était en face des espions. J'ai appris. La foi vient de ce que l'on entend. Mais toi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, 2020, 2021, 2022, quelle décision tu as pris? Elle, frère, elle a dit, quand il coupe mais trahir ces gens, non. Trahir Dieu, non. Trahir la parole, non. Mais regardez comment nous agissons. Elle n'avait que deux personnes en face. Avait-elle vu un miracle? Non. J'ai appris ce que Dieu a fait. Cela suffit déjà. Maintenant, comment ferais-je aussi pour être comme vous? Vous prends les problèmes de la sœur, tu termines. Tu prends maintenant les problèmes de serviteur de Dieu, tu termines. Tu prends du côté déjà que tu termines. Mais regarde cette Garia, une prostituée. On vient à poser la question. On a vu les gens entrer ici. Il dit non. Elle dit non. Frère. Nduku. À l'époque là, c'était très grave. Les gens de la nerve. Elle a pris le risque de cacher ses gens. Posez-vous la question. Mujulize. Si on avait découvert. Elle avait dit. N'arsema. C'est bien de mourir pour Dieu. C'est bien kufanjua mujumbe wa wakati pour le message du temps de la fin ans, le mujumbe wa wakati il fallait prendre position pour ce message là ushimamia kuile ujumbe et elle a pris position juu ya ile ujumbe et que nous que faisons na chie tu unafanya nini. Le message de ce jour ujumbe ya wakati dit une chose na isema kintu toi tu fais le contraire. Regardez comment elle a agi. Un temps de décision. Frère, le membre est sérieux. C'est sérieux. J'ai appris tout simplement ce qu'il a fait là. Pour moi, ça suffit. Mais toi, tu as entendu le panneau publicitaire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Ça n'a rien produit chez toi. Non. Apana. Non. Apana. Tu ne peux pas sur frère. Nous devons dire. Pas que le monde a rubir binéa. C'est que le monde a prêché sa vie. J'arrête l'ancienne vie. Apa, il faut nyombe monde. Là, je dois prier Dieu. Que je sois ce que la volonté, ce que la parole de Dieu a dit dans la bouche de son serviteur. On est ensemble. Et tu ne trouves pas moi. C'est ça. Joville. Isaac. Un enfant spécial. Toto qui péché. Frère. Nduk. Qui ne résiste pas à la parole. Eliezer. Conscient que. L'enfant pour qui je pars. N'est pas comme Ismaël. N'est pas comme tout le monde. Il faut que dans cette affaire. Que l'ange. Malaika. S'engage. Eliezer était conscient. Na Eliezer a kwacha kuyele mambo. Et il s'est mis à genoux. Na arikala magoti anasema pana pana. Pas question de chef. Aina mambo akushina. Pas d'erreur. Hakuna nkosa ni mambo. Il faut que l'ange vienne ici. Malaika akuye hapa. Il faut que l'ange s'investisse. Malaika engie mui mambo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Soyons conscients. Tukue na maile mambo. Alors décidez-vous. Na mubebe mipango sasa. Décidez-vous. Bébé Mipango. Dites, hein. C'est trop. Kunenea. Rahab n'a écouté. Rahab a personne n'a prêché à Rahab. Mais ils ont eu l'information. Mais la pas tu écoutes ce que Jéhovah a fait. Que dois-tu faire? Rahab a dit, je prends position pour cette chose-là. Et Dieu a vu cette profondeur-là. Et Dieu a conduit les espions chez elle. Quelle profondeur avez-vous pour que Dieu conduise le Saint-Esprit vers vous? Il faut qu'il y ait une profondeur en vous. Rahab, se disait, si vraiment j'ai l'occasion de rencontrer les gens d'Israël, je me donnerai à eux. Je m'investirai à Jéhovah. Et Dieu a vu cette soif, cette faim. Et Dieu a dit, il faut que je vienne au secours de cette âme-là. Où est cette âme ce soir? Qui a soif de Dieu? Qui a soif de vivre la parole? Qui a soif d'arranger sa vie? Où est cette soif-là? Que Dieu vienne au secours de cet homme-là. Où est cette sœur? Où est ce frère? Qui désire ardemment Dieu? Qui peut dire? À cause de ce que je viens d'entendre, Mungu anisaidie. Que Dieu m'aide. Mina shimamisha maisha ma vie, la vie ancienne. Mina shimamisha ma vie, je dois arrêter tout ce que j'ai. Que Dieu puisse venir m'aider. Où est ce frère? Où est cette sœur? Que Dieu Mungu puisse honorer cette femme. Apate kuheshimisha ile imani. Tout à chemin. Nous allons nous lever. Je reste tout à fait mon bon souk. Chef, frère, je reste, cherche nous un bon cantique. Mon bocal. J'ai résolu. Prions tous ensemble.